Chapitre 22e, entre fiancés. Fabien, quelque peu étonné, la regardait faire, se demandant ce que cela signifiait. Alors Raymond, se plaçant bien en face du capitaine, lui posa nettement cette question. « Quelle est la vraie raison de votre absence de ce matin ?»« La vraie raison ?» s'écria Fabien, surpris. « Oui, je n'ai pas cru un mot des explications que vous avez données à ma mère. J'ai vu que vous ne saviez pas très bien mentir, que vous récitiez une leçon apprise. Donc, si vous n'avez pas accepté notre invitation, si vous n'êtes pas venu, c'est qu'il y a une toute autre raison que celle du service en campagne. » Fabien sourit et simplement répondit « Vous avez deviné, ma chère Raymond, oui. Il y a une autre raison, mais qui n'a aucune importance. Et je vous prie, quoiqu'elle ne soit pas tout à fait la vraie, de vous contenter pour le moment de celle que votre mère a eu la bienveillance d'accepter. » « Pardonnez-moi d'insister, Fabien, je veux connaître la vraie raison. Il m'en coûte de vous la donner. Pourquoi ? Parce que, bien que militaire et en mesure de sauver mon pays, vous venez de le voir, j'ai quelques scrupules de modestie. Et je n'aime pas jouer les paladins. Je ne vous comprends pas. Ma chère Raymond, je vous vois inquiète, troublée, et prise par une angoisse dont je suis la cause, qui me flatte et me désole. Je vais donc vous tirer d'inquiétude. » Il ajouta. Et comme vous êtes appelée à devenir la femme d'un militaire, je vous demande de faire appel à votre cœur, et tout danger étant écarté, de vous montrer aussi bon soldat. Jusqu'à présent, vous ne me dites que des mots, je veux arriver au fait. Au fait, nous y arrivons. Mais je vous prie de ne pas exiger de moi le motif de ce fait. Pourquoi ? Voulez-vous me promettre cela ? Je vous le promets. Bon. Maintenant, voici la vérité. Ce matin, je suis allé non pas en service de campagne, non pas dans la forêt, non pas contre un ennemi, mais je suis allé sur le pré avec un de mes amis, et je lui ai donné un bon coup d'épée dans le bras. « Vous vous êtes battu ?» s'écria Raymond en frémissant. « En duel. Je vous ai télégraphié au moment où je montais en auto avec mes colichemards sous le bras. Malgré toute ma bonne volonté, je ne pouvais accepter votre gracieuse invitation. Je n'espérais pas être tué, encore moins auxir mon camarade, mais je ne pouvais me dispenser d'assister au déjeuner qui devait suivre, car vous n'ignorez pas que tout beau duel, dans le civil et dans le militaire, se termine sans résultat quand c'est au pistolet et à table quand l'épée a été mise au clair. Nous disons, nous, soldats, quand les lapins s'embrochent, ce sont les poulets qu'on fait cuire. C'est la vieille tradition française. Vous n'avez pas été blessé ? Non. Je suis de bonne force à l'épée. Mon adversaire également. Nous nous connaissons de longue date. Nous tirons en salle, en poule, et nous avions l'air de faire assaut en un coup, sans bouton, à la pointe nue. J'ai touché. Nous nous sommes serrés la main, et nous avons été déjeuner, pour, après avoir satisfait l'honneur, en faire autant pour l'appétit. Et voilà toute la vérité. Raymond, grave, sérieuse, demanda. « La raison de ce duel avec un de vos amis ?»« Ma chère Raymond, » dit Fabien, devenant sérieux, « vous m'avez promis de ne pas me la demander, sans doute. » Mais je ne me suis pas engagé à ne pas vous la dire. Le procès-verbal dit « ordre privé ». Cela signifie que l'on a insulté quelqu'un vous touchant de très près, car ce n'est pas vous qui avez commis l'offense. Certes, non. Et étant mon fiancé, il ne peut être question d'une querelle pour une beauté de garnison. Raymond. On a donc touché à votre famille, à votre père. Or, le général de Rennebois a fait une des plus grosses carrières qu'un militaire puisse de nos jours espérer. Et votre mère, comme la mienne, est une sainte. C'est vrai, Raymond. Si nos cœurs se valent ainsi, c'est que nos mères sont égales. Mais nos pères ? Demanda brusquement Raymond. Fabien sursauta. Nos pères ? Dit-il. Nos pères ? Que voulez-vous dire, Raymond ? La jeune fille le regarda bien dans les yeux, l'interrogeant, cherchant à lire en lui. Fabien soutint son regard sans trouble, sans gêne. Alors Raymond reprit. Votre famille étant absolument inattaquable, si vous vous êtes battu ce matin, c'est parce qu'on avait touché à la mienne. Le capitaine ne put réprimer un mouvement de surprise. Je m'en suis douté, dit Raymond. Oh, vous pouvez tout me dire. D'autant plus facilement, répondit Fabien, que cela ne peut en aucune façon atteindre votre père. Comment cela ? On parlait entre camarades des fortunes de financiers. Un de nos amis soutint qu'elle ne se faisait que par des moyens malhonnêtes. Je lui ai rappelé que j'avais le bonheur d'être votre fiancé et que je tenais M. Montreuil pour le plus honnête homme du monde. Ah ! Mon camarade, sans doute échauffé, ne voulant pas céder devant les autres, me répondit que M. de Montreuil n'échappait pas à la règle commune, au contraire. Je le priai de retirer ses mots, il refusa. Cela lui valut du fer dans le bras. Grave, très ému, Raymond dit lentement au capitaine de Rennebois. « Votre ami avait raison. »« Raison ? » s'écria Fabien. « Comment raison ? Mon père n'a pas été l'homme que nous aimions, que nous vénérions. Que voulez-vous dire ? La soif de l'or lui a fait commettre certains actes dont mes frères et moi, aujourd'hui, nous sommes désolés. Voyons, ma chère Raymonde, je suis militaire, je n'entends rien aux choses d'argent. Je me doute, il est vrai, que parfois, dans les affaires, il existe des spéculations hasardeuses, des coups scabreux. Je suis certain néanmoins que pas un des actes de votre malheureux père n'est contre les lois de l'honneur. Pardon ? Votre père, pour acquérir sa grande fortune, a employé des moyens que non seulement l'honneur réprouve, mais que la loi condamne. Oh ! En un mot, mon père a été impitoyable en affaires. Il a spéculé sur le malheur des gens, il a prêté de l'argent à des taux usuraires. Monsieur Montreuil, que m'apprenez-vous là ? Il a causé la ruine de plusieurs de ses clients. On l'a accusé d'avoir poussé à la mort, au suicide. Des malheureux tombés en ses mains. Oh, mais qui vous a dit ? Comment savez-vous ? Mes frères l'ont découvert en parcourant les journaux judiciaires. La Gazette des tribunaux rapporte tout au long les débats d'une affaire odieuse. Mon père a volé la fortune d'un de ses amis, l'a ruiné, l'a conduit au tombeau. C'est épouvantable. Il eut procès pour ce malheureux et pour bien d'autres. Votre père gagna, je suppose ? C'était de fausses accusations. Mon père gagna parce qu'il était riche, puissant, et qu'extrêmement habile, il avait su prendre toutes ses précautions. Il gagnait effectivement ses procès, parce que la loi est suivie à la lettre. Mais moralement, il les perdait, et chaque victoire, qui était un succès pour son habileté financière, pour son coffre-fort, était une déchéance de plus pour son honneur. Raymond conclut. En somme, notre fortune a pour source l'usure la plus effroyable. Ma chère Raymonde, dit le capitaine, que je vous plains. Et c'est parce que mon père était un terrible usurier que tout Paris lui a jeté son mépris au jour de ses obsèques. Je me souviens de cette journée pénible, de cette énigme angoissante pour nous tous. Voilà, je suis la fille d'un usurier. Vous ne pouvez être rendue responsable, ma chère Raymonde, des fautes de votre père. Mais je n'en puis profiter. Le capitaine de Rennebois regarda Raymonde, paraissant ne pas comprendre ses dernières paroles. Au bout d'un court moment de silence, il reprit. Vos frères, Robert et Raoul, m'avez-vous dit, connaissent cette situation. Ils feront donc ce que leur conscience commande pour vous enlever, à vous, à eux, le souci de cet héritage pénible. Que voulez-vous dire, Fabien ? Lui demanda vivement la jeune fille. Si les enfants ne doivent point être rendus responsables des fautes de leur père, ils ne peuvent, en effet, comme vous le disiez, tirer profit de ces fautes. Donc, il faut que Robert et Raoul réparent, autant que cela leur est possible, les malheurs du passé. En rendant cet argent mal acquis ? Absolument. Raymond tendit la main au capitaine. Cher Fabien, vous avez eu la même pensée que mes frères et moi. Il ne peut en être autrement. Nous allons rendre cet argent. Parfait. Ce sera notre ruine. C'est un grand malheur, mais c'est indispensable. Nous serons pauvres. Je ne suis pas très riche. Mais si cela est nécessaire, que Robert et Raoul sachent bien que tout mon avoir est à leur disposition. On ne saurait trop payer son honneur. Raymond écoutait en frémissant de joie les paroles que très franchement, très simplement, prononçait le capitaine. Elle ajouta « Mais, devenant pauvre, je ne puis être votre femme. Pourquoi ? Je n'aurai plus de dot. » Fabien tressaillit. « Ma chère Raymond, c'est vous que j'aime, vous. Votre dot, votre fortune était pour vous. Moi, je ne demande que votre amour. Si vous avez la constance, étant pauvres tous deux, puisque je vous donne ce qui est à moi, si vous avez la constance de m'aimer encore, je vous remercierai infiniment de ce grand bonheur. » Raymonde, qui jusque-là s'était maintenue, dominée au prix d'un effort extrême, éclata en gros sanglots. « Fabien, mon cher Fabien, que vous me rendez heureuse, et combien je vous aime !»« Ma chère Raymonde, que jamais entre nous ce vilain mot d'argent ne soit prononcé. Je m'arrangerai avec vos frères. » Et la femme du capitaine de Rennebois pourra passer partout le front haut, sans que personne ait à murmurer le moindre grief. Raymond de Montreuil aura payé et réparé. Madame de Rennebois pourra être très heureuse en devenant la femme d'un capitaine peu riche, mais qui pour elle aura toujours des trésors d'adoration. Oh, Fabien, aucune femme n'a jamais eu par épreuve d'amour, aucune femme n'affrontera la vie avec autant de calme, de certitude, de bonheur que moi maintenant. Vous avez notre cœur, vous êtes bien digne d'être le frère de mes frères, et je vous aime infiniment. » Les deux jeunes gens très cordialement se serrèrent les mains. À ce moment, dans la chambre de Raoul, un bruit de meubles heurtés se fit entendre. En entendant ce bruit dans la chambre de son frère, Raymonde crut que Raoul venait de rentrer. « Ah ! » s'écria joyeusement Raymonde. « Raoul est là !» Elle appela son frère tout en se précipitant vers la porte, mais elle s'arrêta stupéfaite dès qu'elle arriva à cette porte, d'ailleurs ouverte, qu'une simple portière masquait. Dans la chambre de son frère, elle n'aperçut ni Raoul ni Robert, mais leur valet de chambre. « Vous, Marcelin ?» fit Raymonde surprise. « Que faites-vous là ?»« Mon service, mademoiselle, » répondit le valet de chambre. « À cette heure, il devrait être fait. » « Il est fait. Je venais mettre sur le bureau de M. Raoul les dernières lettres qui viennent d'arriver. »« Bien, allez. » Raymonde ferma la porte sous la portière et venant à Fabien. « Cet homme nous épiait. » « Marcelin, pourquoi? Dans quel but ?»« Je ne sais pas, mais je n'aime pas beaucoup sa figure. Ses yeux sont faux, il me déplaît. Et je crois que mes frères feraient bien de l'éloigner. Ce n'est pas la première fois que je le surprends à épier ce qui se passe dans la maison. »